10 ans après le 11 septembre, tous les responsables le disent, le niveau de la menace terroriste reste très élevé et la mort de Ben Laden n'y change rien. Deux attentats sont déjoués en moyenne tous les ans en France, le plus souvent des attaques contre des lieux touristiques ou symboliques. Depuis 10 ans, 914 personnes ont été arrêtées, 224 écrouées. Les autorités redoutent bien sûr un attentat préparé depuis l'étranger, mais pas seulement. C'est aussi une menace qui vient de l'intérieur, qui pourrait provenir d'individus qui se radicalisent, ou qui s'auto-radicalisent, d'individus isolés. Et c'est enfin une menace qui est avérée, puisque nous avons bien sûr des otages et des tentatives d'attentats à l'encontre de nos intérêts à l'étranger. Quoi selon les médias que les barres d'Israël, on serait la menace pour leur monde des merveilles. Laisse-moi répondre à leur mal par le BEL. Leur plan démoniaque ressort en remake. Faites gaffe à l'islam, c'est l'ennemi potentiel. Nous chercher des noix, c'est tout ce qu'ils savent faire. Plus s'étonne que notre masse ne passe les sévères. Peu importe leur coup de grâce, on reste professionnel. Nous on aime cette classe révérencielle. Toi tu ramasses ta charge trop conventionnelle. Qui cache toute ta haine qui se trouve en toi-même. Où y'a rien que le hack qui prend sous son aile. C'est tout ce qu'ils savent faire, nous diaboliser. Nous montrer du doigt, se victimiser. Inventer des lois, nous ghettoiser. Attaquer notre foi pour mieux diviser. C'est tout ce qu'ils savent faire, nous diaboliser. Nous montrer du doigt, se victimiser. Inventer des lois, nous ghettoiser. Attaquer notre foi pour mieux diviser. Il a promis d'attaquer, faire le plein de flammes. Notion de bien, de mal, de tout bord, de tout côté. Blotti au sein de l'âme, il chuchote besoin de larmes. Des rues chaudes aux chambres froides, il t'isole. Cérébral, camisole, le nez sur les tisons. Sur le frisson affûte éloquence, lorsque celle-ci enraye la vision. Exacerbe la médisance, appuie sur le piston. Une prise sur la distance, usure pour pitance, l'évidence. Ventriloque de nation muette. Les hommes de science ne sont plus que des pantins de passion fluette. Machination au sein même des clergés. Peu importe le troupeau lorsqu'il dirige lui-même le berger. C'est tout ce qu'ils savent faire, nous diaboliser. Nous montrer du doigt, se victimiser. Inventer des lois, nous ghettoiser. Attaquer notre foi pour mieux diviser. C'est tout ce qu'ils savent faire, nous diaboliser. Nous montrer du doigt, se victimiser. Inventer des lois, nous ghettoiser. Attaquer notre foi pour mieux diviser.